avec mes oreilles et ma conscience. J'entends, j'écoute les infos, les gens, le jour, le présent. Avec mes yeux et ma conscience, je regarde, je vois le monde, je lis ce qu'il fut et visionne ce qu'il sera. Avec mes mains et ma conscience, j'écris, je mime, tracé par mon stylo, le futur est dans mes lignes. Effort de diction, d'articulation, ce que ma conscience filtre, c'est ma bouche qui retranscrit. J'entends, je vois, je dis. Apprendre pour comprendre. Le peuple des perspectives. Je lutte donc je vis. Écoute mon rap, tu y trouveras du gospel. Pour la morale, l'espérance et le peuple. Écoute mon rap, tu y trouveras du blues. Pour l'indignation, la souffrance et le peuple. Écoute mon rap, tu y trouveras du jazz. Pour la liberté, la révolte et le peuple. Et dans mon rap, comme nulle part ailleurs, la volonté de tout changer, comment y arriver. Entendre tout le monde avec radio. Le bras en l'air de gauche à droite.